Les messages et lettres de félicitations sont parvenus au maréchal Kim Jong-un, élu président du Parti Travail de Corée. Les destinataires sont les partis politiques, les personnalités de haut rang des milieux politiques, sociaux, militaires et économiques de divers pays, comme la Russie, la Chine, la Mongolie, le Singapour, le Koweït, le Japon et l'Allemagne, notamment le comité central du Parti du Peuple du Cambodge, le Parti progressiste du Peuple du Nigeria, et le secrétaire général du comité central du Parti communiste libanais, et le président du Parti de l'Union démocrate de l'Égypte, les représentants des institutions internationales, des organisations d'études des études jetées et des formations d'amitié et de soutien à la réunification de la Corée. Les destinataires ont souligné que l'élection du camarade Kim Jong-un au poste de président du Parti Travail de Corée est la manifestation de la confiance et du respect unanime de tous les militants du parti, des militaires de l'armée populaire et du peuple coréen, et un grand événement des amis de la République populaire démocratique de Corée et des peuples progressistes du monde qui aspirent à l'indépendance. Par ailleurs, le comité central du Parti communiste indien marxiste et le secrétaire général du Congrès national africain de l'Afrique du Sud ont fait parvenir les messages de félicitations au comité central du Parti Travail de Corée.